Cette fois-ci, j'essaierai de faire attention. Peu à peu, monter en rythme vers l'improvisation. Mais peut-être que je trippe. Ça, je sais pas. Continuer pas à pas, avancer. Peut-être s'effondrer ou décoller. Nul ne sait. Alors sur le son, je me masturbe. Les infos des auditeurs peuvent se constater sur son visage désapprobateur. Peut-être mieux vaut-il lire ou continuer. J'espère qu'à la fin, mon sens payera en lire. Donc avancer, c'est de l'âme. C'est de l'âme. C'est dit. Peu à peu, petit à petit, j'avance, je fais mon nid tel un oiseau. Kilo, c'est pas gros, c'est des lamelles. 12 par 80, ta crevante, ça nourrit 4 ventres, c'est des mamelles qui m'allaitent. Mieux ça que de mal-être, pense aux grosses mallettes. Ça vaut bien d'un coup de clé à molette, ouais. Maman m'aimait, c'était ma mère, celle d'un mammifère. Si je suis un mamelouk, c'est pour l'honneur de maman. Et c'est maman. Et ses mamelons, car c'est un mammifère. C'était bien trop court le temps où je t'étais, les tétons. Ça aurait pu être plus long. Je t'étais ses tétons. Mieux vaut les tétés, les tétillés. T'as ça, t'as quoi? Vas-y, qu'est-ce que tu fais? T'aimes ça? Bien sûr que j'aime ça. C'est mieux que le lait en poudre. Nourrisson. T'auras tout le temps d'en sniffer plus tard. Nourrisson. Nourrissons-nous. Et nourrissons. Les tétards ne têtent pas. Les tétards. Les tétards ne têtent pas. Les tétards. Il est peut-être trop tard pour être un mammifère. Y'a rien à faire. C'est des batraciens. Batraciens. Et je m'en bats les. Grenouilles. Je m'en bats les. Laisse-moi t'offrir un bouquet de glaïeul. Je suis pas ta fille, je suis ta sœur. Ah, t'es pas ma sœur. Je suis pas ta mère. T'es pas ma mère. Je suis rien. Ah, je suis rien. T'es ma... J'ai man. T'es man. Eh, man. C'est de plus en plus dur de pas se comporter comme une ordure. De temps en temps, je traîne dans la hure et je me dis... Je vois les visages, je me dis, je suis pas une raclure. Je me dis, je continue, j'avance et je me dis, je vois les gens, des fois gentils, des fois méchants. Et je me dis, je vais avancer, continuer sur le faubourg Bonnefoy. Mais là, ce que je te raconte, c'est de mauvaise foi. Que l'attaque basse. Vas-y, envoie-les. Basse. Donc, je me baladais. J'avançais. Je continuais sur le trottoir. Il était tard. Je crois que c'était le soir. Je voulais des pavés. Il n'y avait pas de pavés, malheureusement. Que du bitume. J'avais pas de thunes et j'avançais. Donc, je voulais quand même les pavés. Aveugle et sourd, sur le faubourg. Je préparais l'idée même de penser à trouver pour elle et ses idées une poignée de pavés. Pourquoi faire, me dis-je. Sûrement une idée d'enfer. Un prodige. J'ai avancé, j'ai passé le 129. Et puis, trouver une cible pour lancer les pavés. Ça, ça se trouve. Mais vas-y, faut que je bouge, je continue. Je dépasse le 130 du faubourg. Je suis à la bourre, maintenant j'ai un objectif. Toi, pendant ce temps-là. Là, moi je ramasse les pavés. Je les empile. Tu fais des cubes. Telle une succube. À laquelle certains succombent. Toujours est-il que j'ai croisé, avant que je bouge, mon ami Max le Rouge. C'était un plaisir. Désormais, il a un lieu, un département, une colocation, un appartement. C'est vrai. Oui. Dans le quartier, c'est presque mon voisin. Faubourg ? Oui, presque. Pas loin de la grue. Mais ça, n'en parlons plus. Sûrement la trouvera-t-on entre la paire de... Oui, probablement. Quand j'ai dit ça, je ne te mens. Mais continuons. Continuons sur la géographie de ma ville. C'est pas si facile. De rimer, de continuer, de rythmer. Parce que le rythme s'est effacé. Il n'y a qu'une vieille guitare électrique qui me fout clairement pas la trique. Mais bon, vas-y Patrick. Ou comme la contrepétrie dirait, salut Patrick. Anyway, I'm walking on, walking on, walking on. Je me dirige vers le centre maintenant, j'ai fait demi-tour. Max le Rouge a continué ses histoires. Maintenant, il bouge. Je passe sous le pont de voie ferrée. Eh, je me suis gouré, j'ai oublié de prendre ma thune, mes affaires et mon manteau. Parce que maintenant, il fait froid. Les gels. Plus question de penser aux tétons de mon aïeul. Ils doivent pointer, c'est sûr qu'ils... comme des perceuses. Le tissu. C'est vrai. Maintenant ils sont mûrs. Et vrillent à travers les parpaings du mur de la gare. Car c'est maintenant l'endroit. Ils sont devenus des foreuses. Des foreuses sensuelles et nourricières. Destructrice. Venue d'une autre planète que la Terre. Mais elles nous permettent à nous, petits humains, des moins que rien, de quand même traverser certains quartiers sans devoir faire des détours fatigants et escarpés. Je sais pas si c'est encore ouvert. La bière ? Le passage. Les passages se referment. Sage, you mean? Is it too late for cocaine? It's never too late for cocaine. That's 100 years it exists. Even Sigmund Freud took it. That guy. I mean that guy. He's not so old. Sigmund Freud? Yeah, it's like, the guy is like fucking 120 or something. Yeah, that's not so old. Yeah, you can talk, you... your 20,000th girl century. 20th century fox, I meant. Alright, I won't talk. What? Pavements. Walking on the pavement. That was my new existence. On the street Bayard. racaille fatiguée commence à m'accoster, à me demander si j'aimerais boire ou fumer, leurs prostituées fréquentées et surtout leurs poches payées. Bref, je les ignore, je continue, je pense à mon pote Nanor qui lui est tranquille chez lui. Dans le Nord. Dans le Nord. La Bretagne, ça vous gagne. Merveilleuse, pleine de punk. Ah. J'aime la mère aussi. Celle qui a des tétons, mais l'autre aussi, celle qui peut être froide et salée. Saint-Brieuc, c'est la Manche. Entre l'Angleterre et la France. Mais ça communique vite fait avec l'océan. Mais... Ça communique forcément avec l'océan. Ici, c'est en... Non, on peut parler de certaines mers qui ne communiquent pas avec l'océan. Peut-être pas directement. Même pas du tout. Sans être casse-pied, je pourrais te parler de la Caspienne. Mais qu'à cela ne tienne. Continuons une pérégrination à travers cette ville pleine de bouchons qu'on appelle... Quand on a la lose. Toulouse. Ouais. I have lost and gained a lot. Thank you. At least, but not at last. Pink City. Lick it up, coming down the street. Big City. Big City life. Pink City. C'est alors que passant devant Asia Village. Un énorme supermarché rempli de nems et de rouleaux de printemps. Je décidais de m'arrêter. Quelques employés fatigués acceptèrent de me donner quelques nems pour une petite poignée de mes derniers deniers. Je les mangeais avidement, me brûlant les doigts et me mouillant le survêtement de cette sauce gluante qu'on appelle des fois... On l'appelle comme ça d'ailleurs. Bref. Maintenant, je vais pas te faire un dessin, je vais plutôt aller acheter un pack. Parce que je viens de croiser le centre de Jane Dark. Quelques mecs paumés me proposent de la dope cramée. Ils ne savent plus quoi faire. La ville est vide. Le vent d'autant, on emporte le vent d'autant, on emporte le vent d'autant, on emporte le vent d'autant, on emporte le vent d'autant, on emporte le vent d'autant. Une ville aquatique, une ville aquatique des algues qui chauffent. Des fois j'achète une brique que parfois j'effrite, que parfois je coupe, que parfois je vends. Découpée en lamelles, venez les chercher en haut de la rue. I'm a line or a bump of it. Would you? Yes, that's my girl. That's my boy. My girl, but that's my boy. I'm a little boy. Yeah, a small boy. In a pink dress. With an angel's voice, but it's a boy. Angels have nothing between their legs but soft skin. Your lips. Angels are naked with soft skin and wings and halos. And they got feathers. Yeah, their wings. I'm sure they have feathers between the legs, like furry feathers. Covering. Yeah. A whole lot of stuff. Plain stuff. Skin. I'm sure angels ain't got skin, but scales. Plenty of scales. No? Like reptiles. Or fishes. Scales, yeah. That's what I mean. No, they don't. They're not reptiles. They have a whole other species. Yeah, specialties, yeah. Specialities from the space. Specialities. En tout cas, c'est de l'écaille de poisson. Fish scale shit, motherfucker. Fish scale shit. Angel scale. Welcome. I'm sure they got dust. It's after hours right now. Nuisance. L'émission qui nuisit au sens. Qui désormais prend du galon. Ou le père, car. Faisant ce que t'en veux, mon frère, change de station. Si t'es pas con. Pendant que mon ticket de métro déteint sur ma ligne de coco, ça donne une couleur orangée. Which is, I heard, the new black. La dame vient d'évoquer le Capitole, auquel nous arrivâmes quelques heures plus tard, après une longue discussion et quelques pétards. Au milieu de cette étrange place normée, cadrée, quadrillée et surveillée, elle danse. Nous trouvâmes une danse, celle d'un cygne. Des fois, certains diront zodiacal. Pour ma part, n'est-ce pas, Al, n'en parlons pas. C'est celle du score. Be honest. Représentation tous les lundis soirs. Entre minuit et 2h du mat. I'm sorry. Oh, yes, please. Be that. Yes, please. To dig it now. I can't be a fucking scapegoat. You hear that? You hear that? I understand what you're saying. You don't know what a scapegoat is? A scapegoat? It's like a bouc émissaire in French. And I know that. You don't need to be so literal. For the English people. What? Anyway, I wasn't about to go home, cause every time I go there, I got 50 messages. I only call back the girls with big, big breasts. But that's only when I'm drunk. What about the ones that scream so loud they wake up all the neighbors? Yeah, they killed her, actually. They buried her in the cemetery. Girl. Yeah, now she's gonna scream on. In hell. It's that easy. Even my neighbors were asking me to do some stuff about it. I'm dying of hate. Of me. That's so easy. Yet. Please kill me. Easy on my balls. Easy on my balls, as fragile as eggs. I want to tell you something. Would you give me a straw? That one gonna be okay. It's mine. Now it's mine. It's that easy. To be. I'm dying. I think you should. Please don't. Please don't. Please don't. Please don't. Please don't. Please don't. will never kill you in any way. I know. Please don't. Des fois, me faufilant parmi les faux semblants, je détale et dérape feulement. Mais c'est facile aussi de filer. Je préférerais manger accompagné de pommes de terre un faux filet. Your ham. Elle aime le jambon. Schematic solitude, lonely. Oh yeah. Oh yeah. Is it so real? Madness takes it toll, and you're far, far, far away from me. But I wish me dead, and that's what I get. La turpitude, mon frère. Whereas the whole time I saw the whole rummaging him. It was 19 and I felt great. That's what I get. I felt so old. I felt so odd. Capital. Pas de doigt. Give me some. Sans faux semblant, je me faufilais lentement jusqu'au centre de cette ville. C'était pas vilain, j'ai vu les inconnus qui voulaient peut-être me demander des choses ou continuer leur chemin. Peu à peu, je me suis dit, suis-je un géant ou un nain? Nul ne sait. J'ai dû articuler pour continuer, essayer d'avancer. Et le nez rempli de ces substances que l'on ne saurait nommer, mais que nous tous connaît. Bref, dissipons ce malentendu. Je traversais la rue, sans risque bien sûr, puisque j'avais tout vu et prévu la venue des voitures et même celle de certaines monstruosités innommables et dont je ne me souviens plus. Les murs enduits de peinture, des fois même de dessins, m'inspirait la plus grande anxiété quant à mon destin. Cette balade a dû continuer quelques heures jusqu'à ce point nommé où je croisais la silhouette connue et renommée de mon ami qu'ici à la radio je ne saurais nommer. Sur sa tête, un bonnet elle portait et vers son chemin, elle avançait, elle aussi, similairement. Mais bref, j'espère que je ne parle pas allemand. Malheureusement, cela ne suffira probablement pas à ce que, gentiment et calmement, elle prenne l'initiative qui serait tellement décisive de sélectionner un récipient qui me remplirait de... Je perds féculents. De féculents. Oui, de féculents fermentés. Dit comme ça, facilement. On peut essayer. Du sais-je aller en chercher. Un ou deux verres. S'il n'y en avait qu'un, il serait solitaire. Me mangerait de l'intérieur, me laissant une santé délétère. Mais bon, que faire? Je ne vais pas m'enterrer sous terre alors que vivant je suis. Et... Déterminé. Je suis déterminé. Si le sol sous terre, lui, n'est que miné, moi, je veux continuer. Je le foule de mes pieds, chaussés, parfois. Mais tu le foules sans le mépriser. Jamais qui parle de mépris. Je l'aime même. travers mes semelles. Moi, je l'aime. C'est lui qui fait puer mes chaussettes. Tu l'aimes, tu l'accuses. Pavé. Terre pleine. Ça me rappelle une histoire dans un musée, une visite où nous avons pu constater les différentes qualités et propriétés de deux samples de terre venant de diverses provenances, probablement du monde arabe et probablement pas de France. Pas que. Pas qui. Stan, nul ne sait. C'est une perche que tu me tends. De l'Occident. C'est tentant. Mais je crois que la femme était arabe et sur des terres également arables et colorées, elle a su les récolter, les agencer pour enfin les exposer. Magnificent. Which is not the only point of that piece of art at, on my point of view. I think the beautiful part was something... Was to show the beauty of... Yeah, it was a side effect. But the most powerful thing in that was the union of different places, if I may say. But I think that what comes out of it, the beauty in the union. You want a telephone? Mm. Oh yes, coming up, coming up. It's like a whole bunch of pile arts, you know. Oh, please don't drain me to some philosophical questionment. No, not at all. It's just the beauty that comes out. That wasn't calculated, that wasn't, no, that was... That you don't know, I'm sure of it, you little... I don't know anything. Hobo. Fuck you. Shit. Toujours est-il, je switch vers cette vieille langue que nos ancêtres gaulois ont commencé à peaufiner pour nous il y a de ça, plusieurs années je crois. Traversant cette ville non moins juvénile, je décidai de me diriger vers le premier bar ou tripot afin de pouvoir peut-être défoncer. Mais rien à foutre, moi je me soutiens seul, je suis ma propre poutre. Continuer à avancer. Même si, par mes soutiens, mes amis, mes voix radiophoniques, je me faisais abandonner, j'ai choisi de me diriger vers des destinations plus chaleureuses et pleines de tentations. Genre, par exemple, le charme du parking des Carmes. Mais je crois ne plus déceler aucune réaction. Tant pis. Que je suggère la vacuité des SMS. Un poème. Un poème perdu de vue. Farouxat de sodium. Pritoxylate. Xénomorphate. Extrait d'un livre. Une livre de quoi? De Pritoxylate? Ah, simplement. Souviens-toi. Ce que vous me fites. Sur les allées, Charles Fitte. Près des abattoirs. Altercation avec des loupards. Mais dis donc, dis donc. Las, après tant et tant de folie, comment ai-je pu retrouver la raison ? En moi ? Serait-il mort pour qu'ainsi je devienne aussi lasse, éteinte et si fanée ? Pour être allumée avec des cinéphiles. Chagrine. Je me demande au miroir chaque instant, que suis-je enfin ? Que suis-je à tes yeux ? Lasse, en mon miroir, je vois qu'à peine je suis encore l'ombre. Que j'étais. Non. Cela ne se peut. Ainsi qu'une danseuse hindoue avec grâce je frappe des pieds, mais sur ma tombe, las, avec mille soupirs j'ai éclairé ces ruines par le feu de mes entrailles. Mais tu es las et tu parles de tombe. Le jour, je me détourne du chemin de la ville. Sans doute suis-je assoupi dans le creux d'un caveau. Je détiens un joyau, mais poussé par la crainte, je les ensevelis dans le cœur des marais. Je vais, mais sans me demander quelle est la route, quel est le terme, pour quel dessein je livre mes baisers. Mais moi-même, j'ignore quelle est bien l'idole de ce cœur insensé. Il mourut en moi, soudain, tout ce qui fut pris dans mon regard, un air différent. On nous dit que la nuit, de ses deux bras glacés, pressait contre son sein, mon âme, contre la brise. Celui qui fut en moi, il n'est plus. En toi ? Entre mes lèvres, je gronde, ainsi qu'une démente. Qui est-il, enfin ? Celui qui fut en moi, qui est-il ? Best way to explain my strange accentuation. It is beautiful, man. Come on, my friend. Don't be so harsh on me. I tried for about 15 years to learn your language, which I do not pretend to control. But you don't speak mine. I'm the alien there, and you're je just suis l'alien. Dead to everybody else. Et depuis mon bunker. Depuis mon bunker. Depuis mon bunker. Je contrôle? Rien du tout, pas... Des bombardements? Non. C'est ton petit village? Non, depuis mon bunker intérieur. Disait Hitler. Que dis-je, que dalle. Ici je m'installe, et quand le paramètre est paranormal, je me dis que peut-être, ça pourrait être divertissant de me faire mal. Car désormais, ce n'est que l'ennui et le vague à l'âme qui occupent mes longues journées de privilégiés. Ordo ab cao. Ordo ab cao. Is it? Plus rien n'a de sens. Yek. Pas même les heures qui passent. Do. Comme des perles de jour. Chi. Le temps n'a vraiment aucune valeur. Jar. Je la comprends tout juste. Panj. Si peu de choses en ont vraiment et elles n'ont pas de nom. Chiche. Je ne sais même plus voir à force de renier le sommeil. Haft. Pour trop vivre. Nor. Mes mains tachées ont trop voulu attraper ce vide. Alors que déjà, j'ai absconci la terre. Pensant qu'avec des mots, on pourrait le tenir en vol. Soulfly. Junkie. Des lubies. Qui finalement ne valent même pas la peine d'être émises sur les ondes hertziennes. Penses-tu, ma chère... Cette pensée me paraît bien ancienne. Et désormais, nous parlions de qualité, mais la terre de... Moi, je peux recommencer. Once again, with some rhythm. Même les heures qui passent comme des perles de jour. Le temps n'a vraiment aucune valeur. Je le comprends tout juste, si peu de choses en ont vraiment et elles n'ont pas de nom. Je ne sais même plus voir à force de renier le sommeil pour trop vivre. Mes mains tachées ont trop voulu attraper ce vide. On sent qu'avec des mots, on pourrait le tenir en vol. Junkie des lubies qui finalement ont la couleur de la cendre. Mes yeux luisants et ses paupières fuyantes ont eu raison de la beauté. Sublimée par leur fonction. Prétention du poète à la muse absente, cynique désabusée, tellement les limites sont devenues l'ombre d'un cadavre. Charogne qui s'entête, pourtant à respirer. Instinct de survie amoureux de son cancer, crever lentement et surtout éveillé pour mieux vibrer. Chaque seconde comme une aiguille. Vaccin au bout de la route, unique frontière qui se rapproche. À quand le goût de l'indifférence nue? L'ivresse des collines, trompons les chaînes qu'il ne faut pas démon pour se rassurer, mais plutôt reflet insupportable la vérité. Par tous les pores, peau morte, fantasmée, car l'homme ne mue pas. Les cicatrices témoignent et cette imperfection demeure chaque seconde comme un grain de sable, toujours plus près de l'abîme aux airs d'oasis. Un pas qui précède mille jumeaux sur les sentiers, toutes directions, qu'on le veuille ou non. qu'on peine à l'accepter. On avance, poumon, en plein quoi qu'on fasse, même immobile. Le monde est le jouet de la quatrième dimension. Et nous rien de moins que des excroissances indignes. Fils de l'instant liquide, insignifiant devant le vaisseau terrestre. Un fragment de son histoire qu'on ne s'approprie que dans la tête. Et qu'on imprime pour avoir bonne conscience sur les murs, dans les livres tatoués. À force de moisissure, le silence est comme le prisme. Ce qu'est le blanc pour la couleur, tant de mélodies qui résonnent entre les oreilles du lecteur. De partition, pureté, de l'espoir, quand on est encore libre, et quand choisir est au futur. J'aurais préféré ce périlleux soupir à toute la poésie du monde et troquer sans regret ma plume contre un voyage au pays suspendu. À force de le porter comme un masque, je suis devenu cynique. Ça ne m'amuse presque plus. Mais alors, que reste-t-il? Ma patience sans limite ne peut plus faire diversion. Alors je rêve, en attendant le déclin de mon espèce qui s'entête. Alors je rêve, en attendant le déclin. J'attends. Une chose seule m'attriste. Certainly not freezing things whole, nor cutting, nor repeating, none of it. Pourra jamais simplement dire je t'aime, I love you, not. Toujours, ce à jamais, pour toujours, c'est contextuel, cette observation. Mais sans façon. Non mais quand même, ce ne peut être encore une fois... des lamelles, 12 par 80. Comme que je me livre, non, je ferme ce livre pour de bon. Pourtant ces pages sont pas mauvais. Mais serait-il possible, sans paraître insensible, de solliciter un peu de ce bon houblon qui pourrait peut-être remplir mon... Il reste peut-être un For sure, I'm gonna get and check, checking it that way. Anyway, some way, whatever, I'm gonna get it. Je reste en phase et après je tape une base, mais bon, passons. C'est peut-être possible, mais c'est pas si facile. Je le dis sans façon, faut peut-être laisser filer ce félin qui a affalé sur le sofa. Reste fatigué, il feule quand toi tu gueules. Il reste à protéger le quartier. Reste des félins excités. Et moi, je suis le chat, le roi, le lion de Jolimont. On m'appelle même des fois sous le boule, débarque de la foule, je te mords aux boules, n'aie pas peur. Je ne suis qu'un amateur, je suis là pour te montrer qu'il ne suffit pas d'aimer. Mais bon, être lassé de ces cantiques, de ces suppliques et de tout ce qui finit par... Hic. Mais non, voyons, il y a plein de mots géniaux. C'est moi un dessin avec tous mes tics, un schéma. Avec tes tics, tes puces, tes différents éléments parasitiques. Ou plutôt tes tics visuels, verbaux et physiques. Sur le champ. C'est ton aimant que l'on devient forgeron. C'est pas si facile, mais filons sans façon. Et je pense à Lucille qui poursuit sa mission, qui tel un missile va arriver à destination. Et ouais, je pose sur ce son, ce gros groove qui nous entraîne tous à l'unisson. Mais que penser, vas-y passons et poussons les choses à continuer. Peut-être développer des choses, se mettre à gérer, ça nul ne sait. Ses lunettes, son bonnet et son casque, elle a enfilé devant le micro, elle va peut-être continuer. Après de bière, quelques gorgées, avaler, digérer, bâillonner, ligoter. Doit-on continuer? Saucissonner. Chaque matin à ma porte, j'entends les saucissonner, coucher devant celle d'un fils de pute. Pour le saucissonner. Mais voyons, que penses-tu? T'es pas comme ça, mon garçon. Poc poc, je sors le Glock. Pitbull, no muzzle. From Marrakesh. Done. Check. Nice. It's gonna be strong. Like very strong. It's gonna kill him. At least. We wanna make him happy. Yeah, I think. Celebrate his existence. I think happiness won't be linked to it. Take it, take it, have it. Thank you. Maybe we should bring some to him. No way. Damn it. It's his, so yes, we should. No, I asked him, can we open it and destroy it? He said, yeah. No, we're not gonna destroy it, we're gonna bring some to him. You're gonna do what yeah, you I'm want gonna, to I'm gonna do. Gonna I'm gonna do it. What I wanna do. Sure. I said we because we're drinking it together. So. Ah, okay, I thought. I'm not saying that you were gonna yeah, do okay, it. Yeah, okay, I thought it was a different we. Smarty. Not the French oui, but a different English one. United. Okay, you're not trying to help. You see, I'm trying. Okay, thanks. Right, your arms are really shorter than mine, so. The fuck with that? I understand. They call me Little Big Man because what is big is in the mind. But you can still concretize and think that everything resides in the aspect and the size. But that would be to jeopardize what I think to be important about the importance of the humans. The more little means the more compact, and the more compact means the more efficient. And really? Efficiency is what makes us human. What does that to mean to people that are less compact? Oh yeah, that was a bit of an insult, yes, in fact. No, I didn't see it as an insult, I just saw it as... I think bigger is useless, but it's beautiful as a useless thing, like... It's a good thing for you to tell yourself. Difference, baby, difference. There is no value, no better. There is just difference. There is never any better. Never, never. Like, everything is equal. Just depends on what I'm saying, but I think it's very stupid to say what I'm saying. That's if you would only let me finish. I don't know. Quoi? Nothing. That's the Chinese word for nothing. The butter. The concentrated version. Yeah, it's gonna be tough. Strong and tough. It's gonna be some very bitter butter. And you're gonna put that in the sweetest and deliciousest cake. Most delicious, yeah. Yeah, deliciousest. That's my new word. I'm spelling it so it exists. Exists. In Canada. Yeah, Canada. They're eating a lot of delicious cakes in Canada. Jak delikatne essen. Natürlich, mein Freund. Du hast eine Grandma, wie heißt Helga, mein Freund. Fräulein Helga. Fräulein Helga. Special Dedicate. Spezialen Dedikaten. Das Podcast ist existieren. Das Podcast. Hallo Holger, wie geht es dir? Du bist geboren in 1933. Wenn Hitler kam an die Macht, jawohl, mein Führer, der Führer de Vaincre, la fourrure de Dain, mon frère, la rien telle, c'est même mieux que l'enfer. Fer et rocheux. Et rocheux même. C'est le reflet. What a narcissist's point of view. L'enfer, c'est pas les autres. L'enfer, c'est moi. J'ai pas dit moi. Et c'est aux autres que je m'adresse. That's kind of true, in fact. Yeah, I haven't thought of it. But that's true. What do you think he meant by l'enfer, c'est les autres? Like, without no one to judge you, without no one, you're just like always satisfied of yourself. It's not about judgment, it's about. You know what? Well, it's just my. Oh, yeah, abduction. Interpretation. Oh, yeah, for a bit. I'm not trying to be a smartass. What? A smart what? A smart, smart, smart and beautiful what? Smart and fat, beautiful what? Like amazingly stunning what? Right on time. Would you give me the booze, please? That would be very perspectively cool. You'd appreciate it. Thanks for that. Grab rather. It, fuck with your little freaking dwarf arms. What? Grab it. Grab it with your little hands. No, your hands are big. So what's not good? The arms, the length. For that. The capacity of. Yeah, my wingspan. They call it my wingspan. Yeah. And my wingspan, mon envergure, is fucking great. You know that. So please, Nick, please, just let me leave. Please, come on. I wanna try something. Try it. If I can play guitar and be on the mic at the same time. Ah, you wanna play? I wanna try. So just take control of that room. How do they call them stones which are polite? Like, polite because of the sea. Les galets? Ouais. How do you call that in English? I have to admit, I don't know. Well, you're polite as that. Also, I'm a sea stone. Yeah, you're that, a sea stone. A sea motherfucking mountain stone. Surface bouncing sea stone. I'm so stone. Are you? Yeah, I think, yeah. Station Saint-Cyprien. Thank you. prochaine station, Capitole. Tu sens le souffle amer, faut que tu couvres ta mère. Vas-y, souffle ta merde. T'as cru quoi? Vas-y, souffle ta merde. Faut que tu couvres ta merde. Vas-y, couvre ta merde. Vas-y, bouge ta. Vas-y, bouge-toi. Vas-y, reste pas là. Parce que sinon, je vais finir par poser des choses et des pensées insultantes. Faut que tu bouges ta mère. La change au reste. Faut que tu bouges tes fesses. Va falloir marcher. Eh ouais, pas si facile d'avancer. Sur ce rive de gratte tout déglingué. Ouais, ouais, va falloir continuer. Peut-être essayer de trouver quelque chose à faire sans trop dériver. Essayer. Fucking shit about what I'm saying. Is that for real? What you doing? Are you hitting or scratching the string? The string? The strings? Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, get that. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, get that. Come on, come on, come on, come on, get that. Come on, come on, come on, get that. Come on, come on, get that. Get that. Get that. Get that. Life's too short, motherfucker. Say what? I don't get it, cause you ain't got no motherfucking microphone. And that's why I'm the boss here. I'm the motherfucking boss. You just play the scratching guitar, and I don't give no shit about what you're saying. Yo, you got it. Yeah, yeah, please. Scratch the strings. And shut the motherfucking up. Please, I don't give no shit about what you're saying. I'm still relaying on the microphone. And you're so phony, I don't give no motherfucking shit about what you're saying. You can just speak about the music you're doing. You can try to communicate. That's so tribal. Is that doable? I'm in trouble. I don't really know what you're gonna do about that. Maybe it's gonna get some rhythm in it. maybe it's gonna keep, it's gonna keep on, keep on, keep on, keep on, keep on doing, coming, rhythming. Is that for real? Is that true? Am I so tired? I'm dreaming. Station Capitole. Ça va, individu numéro 1, tu te fais pas trop chier. Motherfucking bass. T'arrives à jouer Batman? Ouais. Batman! Batman! Ça fait un truc dans le genre, je sais. À peu près les deux tiers. Là. Fucking hell, that's half a gallon I just drunk. For fuck's sake. Jesus, motherfucking Christ. Motherfucking trigger on that nigga. I'ma blow his motherfucking ass. Are we the itchy trigger finger nigga? If you know happy, you can suck my hairy nigga dick and die.